elle est à nous. C'est une piscine trouvée dans un rat, avec un radeau crafté en sac. L'eau est verte, ça pique un peu, mais c'est le sport des rois juste entre deux feux. Fais des bombes, pas des kills. Raider skill transforme rust en île. Cocktail à la graisse animale, sous un parasol fait de métal. Vacances brutales mais sentimentales. Sur rust, c'est pas banal. La piscine au fond du rat, un coin de paradis dans un monde malade. Y'a même un ours qui chill avec nous. Le rad, mais version bambou. La piscine au fond du rad, un coin de paradis dans un monde malade. Y'a même un ours qui chill.